Bonjour Saint-Etienne et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 15 septembre 2022. Vous êtes sur la bonne fréquence, 89.5 sur la bande FM, les www.radiodio.org si vous nous écoutez via la toile, le net, le stream comme l'on dit, bien au-delà de nos frontières stéphanoises. Jeudi 15 septembre, nous sommes le troisième jeudi de ce mois et c'est la rentrée, la grande rentrée radiophonique, c'est la rentrée de cette grille en effet pour cette saison 2022-2023 et on retrouve comme chaque troisième jeudi du mois l'émission mensuelle du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, qui reprend du service, qui renouvelle sa confiance en duo et recollaboration, ou en tout cas collaboration et partenariat renouvelé Radio Duo et GREMOS pour cette émission qu'on vous propose donc une fois par mois, le troisième jeudi, 19h, rediffusion, midi pour le direct, rediffusion 19h et le lendemain en matinale dès 8h. Et avec grand plaisir pour cette rentrée, eh bien, nous retrouvons trois invités ici au micro et en studio. À la fois Karine Pétel, bonjour. Bonjour. Qui est membre de la Maison de la Mesure, du Patrimoine, de la Talaudière. C'est ça, tout à fait. Une structure donc associative ou presque. Municipale. Municipale, mais adhérente à l'association GREMOS. Oui. Voilà aussi partenariat étroit, en tout cas. C'est tout la raison fait, c'est pour laquelle on te retrouve ici pour animer cette émission aujourd'hui. Tu vas, pour une presque première baptême de feu radiophonique, animer cette émission sous forme d'entretien auprès de tes deux invités ici présents. À ta droite, Jean-Michel Stenner, membre actif du GREMOS. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Lionel. Et à tes côtés, à vos côtés, Jean-Claude Monneret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux co-auteurs d'un ouvrage qui va paraître très prochainement, ce sera début octobre prochain aux presses universitaires de Saint-Étienne, un ouvrage donc co-signé par Jean-Michel Stenner et Jean-Claude Monneret, un ouvrage consacré au travail de Willy Ronis, photographe social, engagé, humaniste, à la renommée internationale. Willy Ronis, son reportage à Saint-Étienne, une histoire visuelle de la grève des mineurs de 48, c'est tout ce dont il va être question dans cette émission aujourd'hui. Je te laisse la parole, Catherine, ainsi que, bien sûr, à nos invités pour cette émission spéciale. Alors, Jean-Michel Stenner, Jean-Claude Monneret, bonjour. Bonjour. Donc, le livre que vous nous présentez aujourd'hui traite des grèves de 1948 et il est illustré de nombreuses photos de presse du reporter Willy Ronis, comme l'a dit et présenté Lionel. Et ces photos, elles proviennent de son fonds d'archives personnelles. Il y a beaucoup, et beaucoup de ces photos n'ont jamais été publiées. Donc, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez eu accès à ce fonds d'archives? Alors, bon, je suis obligé de remonter au livre précédent que nous avions fait, c'est-à-dire au livre sur les grèves de 48, photographié par Léon Le Ponce. Et nous avions commencé, je pense, à travailler sur le sujet. Grâce à une idée de Jean-Michel Stenner qui considérait que l'année 48 n'avait pas beaucoup intéressé les historiens et qu'il était nécessaire peut-être de consacrer à cette année-là et aux mouvements sociaux de cette année-là un travail significatif. Donc on était en 2008 et moi je m'intéresse depuis très très longtemps à la photographie, donc c'est un de mes intérêts personnels. J'ai un peu dans l'idée, j'avais un peu en tant qu'amateur de photographie des modèles photographiques, Cartier-Bresson, Doisneau, Ronis, etc. Je réfléchissais sur les processus créatifs des uns, des autres, etc. Et je dérivais un petit peu, je passais de Cartier-Bresson à Doisneau, de Doisneau à Ronis, enfin je me posais des questions sur leur méthode. Et donc, naturellement, j'avais acquis un très grand nombre d'ouvrages photographiques et de revues photographiques, et j'avais repéré des images qui manifestement avaient été faites à Saint-Étienne. Alors de là, l'idée, puisqu'on était parti sur un travail sur cette année 48, de contacter directement l'intéressé, c'est-à-dire Willy Ronis. Et Willy Ronis a répondu immédiatement à mon coup de fil. On a pris rendez-vous une vingtaine de jours après. Je l'ai rencontré chez lui, devant son bureau et devant son living où se trouvaient ses archives photographiques de l'année 48. Donc, très gentiment, j'ai été très très bien accueilli par lui. Il avait beaucoup de considération pour la catégorie des mineurs qu'il avait photographiés. Et il s'est empressé d'aller chercher le dossier avec tous les contacts qu'il pouvait avoir gardés. Et c'est comme ça que nous avons pu parler, nous entretenir pendant environ 2 heures, que j'ai pu faire les deux photographies qui vont se trouver dans l'ouvrage. Une photographie de face de Willy Ronis et une photographie où on voit Willy Ronis de profil en train d'examiner précisément les contacts, enfin les photographies que nous publions dans l'ouvrage. D'accord. Et ce fonds que vous avez consulté donc chez lui, ensuite il en a fait don. Il en a fait don à l'État. C'est ça? Le problème, donc nous avons su tout de suite que Willy Ronis avait fait 130 photographies en 2 jours. Il était venu à Saint-Étienne, mm-hmm. Il avait fait 130 photographies, ce qui correspond d'ailleurs à ce que Le Pons avait fait, mais en 1 mois et même plus. Et donc c'était un fonds tout à fait intéressant à exploiter. Le problème est que à l'époque, nous ne pouvions pas accéder à ce fonds, puisque ces images appartenaient à l'agence avec qui il était en relation, et que à l'époque, Willy Ronis avait l'intention de faire une donation ou une dation à l'État, et que donc nous pouvions exploiter ce fonds, nous y intéresser, travailler dessus, qu'à partir du moment où toutes les conditions juridiques étaient réunies, c'est-à-dire que quand finalement tout était fini d'un point de vue testamentaire. D'accord. Et donc dans quelle structure se trouve actuellement ce fonds d'archives? Alors le fonds d'archives se trouve dans une administration dépendante du ministère de la Culture qui s'appelait la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, mais qui vient de recevoir un nouveau nom. C'est la médiathèque de la photographie et du patrimoine, je crois, maintenant, hein, et qui est installée dans d'anciens locaux militaires d'un fort à Vincennes, hein, si je me trompe. Non, c'est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, alors c'est Saint-Quentin. C'est l'ouest parisien, c'est pas l'est. Oui, voilà, d'accord. C'est des anciens forts de la ligne de défense qui date du siège de 1870, en fait. Voilà, donc tous ces documents photographiques de Willy Ronis et de tant d'autres, hein, on pourrait citer les plus grands photographes français, ceux qui ont fait des donations à l'État, tout leur négatif se trouve stocké justement dans ce fort de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pourquoi ? Parce que ce fort offre des conditions de sécurité pour les négatifs. Les négatifs sont extrêmement inflammables, qu'il s'agisse de négatifs photographiques ou de négatifs cinéma. Pour le cinéma, il en va de même, mais pas dans les mêmes lieux. Et donc là, nous avons eu la possibilité de consulter tout le fond, non seulement des négatifs, mais des contacts, des tirages, et même de documents privés, personnels de Willy Ronis, puisqu'il a donné l'ensemble de tous ses documents professionnels, il les a donnés à l'État. Oui, effectivement. Donc, ce fonds n'est pas composé que de photos, comme vous le disiez. Il est également composé de correspondances, de notes, d'objets personnels. Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, pour le chercheur, ça apporte beaucoup de choses au chercheur, parce que c'est un complément d'information. Ça peut être une source de réflexion et ça démultiplie les possibilités d'enquête à la fois sur l'époque, sur la destinée du photographe lui-même, sur ses méthodes de travail, sur ses relations avec les agences et avec tous les milieux professionnels de la photographie. Et là, justement, je voulais parler, mais c'est peut-être Jean-Michel qui pourra en parler. On a trouvé des documents extraordinaires qui nous ont aider très fortement pour réussir à agencer les unes par rapport aux autres toutes ces photographies et à faire un travail de reconstitution. Oui, Jean-Claude, c'est tout à fait, effectivement, je pense, un des points fondamentaux du livre. Et la grande différence par rapport au livre sur Le Pons, parce que Le Pons n'avait aucune archive en dehors de ces plaques de verre. Et on a passé énormément de temps, tu t'en souviens, on est allé sur le terrain pour retrouver les lieux qui ont quand même changé, pour essayer d'identifier les personnes. Avec Maurice, on a fait beaucoup de travail comme ça dans la banlieue stéphanoise et même dans Saint-Étienne. Là, avec Ronis, on a un professionnel quand même, je dirais, d'une toute autre ampleur, qui avait des carnets, qui avait des agendas et qui notait sur ces carnets, puisque notamment, on y reviendra peut-être, il était en relation avec le magazine américain Life, il notait des légendes pour ses photos. Donc ça nous a permis de travailler de beaucoup plus en profondeur sur certaines de ces photographies. D'accord. Alors, pour revenir sur les grèves de 48, c'est un sujet que vous connaissez bien. On en a parlé un petit peu, vous en avez parlé au début de l'émission, puisque vous avez publié un livre aux côtés de Corinne Porte et de Maurice Bedouin, donc 1948, les mineurs stéphanois en grève, des photographies de Léon Leponce à l'histoire. Alors, peut-être Jean-Michel, pourquoi revenir sur les grèves de 48 dans ce nouvel ouvrage ? Alors en fait, c'est un peu là, c'est effectivement le lien est assez net avec le premier livre, puisque dans le premier livre, j'avais écrit un chapitre La grève de 48 a-t-elle eu lieu, hein, parce que comme le disait tout à l'heure Jean-Claude, c'était un sujet presque un non-sujet historique. C'était traité par dans certains colloques historiques syndicaux, mais ça avait pas vraiment été traité de façon, je dirais, scientifique. Seul peut-être s'y était consacré Rolande Trempé, l'historienne des mines du Sud-Ouest, mais il n'y avait pas vraiment eu de travaux approfondis là-dessus. Donc j'ai fait un peu, dans le livre sur Leponce, un compte-rendu de tous les ouvrages qui traitent de la période pour montrer que très peu passaient du temps sur 48 et beaucoup confondaient les grèves de 47 et celles de 48. Donc il y a même un ouvrage de Robert Mancherini qui s'appelle guerre froide, grève rouge, et qui sous-titré 1947-1948, qui ne traite absolument pas de 1948. Bon, alors ici, j'ai repris un peu parce que peut-être que les lecteurs, qui vont lire le livre n'auront pas lu celui sur Leponce. J'ai repris un peu cette thématique de la grève de 48. Mais dans une perspective plus, je dirais, plus nationale et plus internationale, puisque on a proposé de mettre en parallèle les deux magazines pour lesquels travaille Leponce, c'est-à-dire le magazine américain Life, qui est un magazine plutôt d'orientation libérale et qui va devenir très anticommuniste, et puis le magazine Regard, qui est un magazine qui est très proche du Parti communiste. Donc on revient un peu sur ces grèves, mais pour contextualiser le livre en lui-même. D'accord. Alors, pour en revenir au fonds d'archives, quand on dépouille un fonds d'archives comme celui de Willy Ronis, qu'est-ce que ça nous révèle sur sa personnalité et sur sa pratique artistique ? Est-ce qu'on peut dire que c'est notamment un photographe engagé ? Alors... D'abord, oui, sa pratique artistique, oui, c'est un peu un des sujets de notre ouvrage, parce que on a voulu réfléchir sur, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un acte créatif dans le domaine photographique ? Qu'est-ce que c'est qu'un acte photographique pour un artiste comme Willy Ronis ? Alors, je crois qu'il faut partir de l'idée que il y a une différence, il y a très peu d'images. Et il y a beaucoup de visuels. Il faut partir d'une distinction entre visuel et image. Tout le monde fait du visuel avec son téléphone portable. Il y a des millions de téléphones portables qui font du visuel, mais ce ne sont pas forcément des images. Donc, quelle est la différence, si vous voulez, dans un visuel ? Bon, ben, le visuel, c'est en quelque sorte un déclic qui va offrir quelque chose de constatif, de référentiel, d'évident, de brut, en quelque sorte, de non structuré. Enfin, bref, on pourrait multiplier les synonymes, alors qu'une image, c'est tout à fait autre chose, c'est quelque chose qui a été pensé. Et qui était pensé par une personne qui a, disons, un certain nombre de principes esthétiques, qui a toute une histoire par rapport à l'image, par rapport à l'image picturale d'abord, par rapport à l'image photographique, par rapport à l'histoire picturale et l'histoire photographique, qui a une vision, qui peut avoir une, qui a des goûts personnels, bien entendu, qui a une vision idéologique des choses, et une culture, qui, etc. Bref, qui a au fond, qui pratique quelque chose qui est véritablement une écriture. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage, c'est essayer, pour chaque photographie, de montrer en quoi chaque photographie est le résultat, si vous voulez, d'un choix multiple. D'un choix multiple entre toutes sortes de paramètres techniques, entre toutes sortes de cadrages possibles, entre toutes sortes de choix symboliques par rapport aux objets qui sont devant l'objectif. On a voulu questionner les questionnements même de Ronis au moment où il allait déclencher. C'est-à-dire, on a essayé de comprendre quels étaient pour chaque image le processus créatif qui était en acte. Donc on a voulu réfléchir sur à la fois un processus créatif, une méthodologie professionnelle. Voilà, on a pensé que c'est à travers cette analyse patiente sur chaque image qu'on pourrait apprendre des choses sur Willy Ronis et son regard, ce qui était notre objectif final, ultime. Cela dit, il ne faut pas mépriser le visuel pour autant. J'ai l'air de dire, il y a beaucoup de visuels qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. En réalité, le visuel intéresse toujours l'historien. Parce que à travers le visuel, il y a toujours... Il y a le factuel. Il est factuel, on peut faire de la sociologie, on peut faire de l'histoire, on peut faire de la sociologie vestimentaire, on peut parler des... etc. Et puis ça peut être émouvant aussi, il peut y avoir de l'affectif, etc. Donc le visuel, c'est tout à fait intéressant. Mais là, nous avons voulu tenir compte, dans l'étude de ces visuels, tout en quoi, finalement, tous ces visuels étaient des images, véritablement, et avaient donc une dimension artistique qui lui était propre. D'accord. Donc, et au-delà donc du témoignage sur les grèves à proprement parler, donc ces images et donc ce corpus photographique, qu'est-ce qu'il nous apporte ? Parce qu'il a une vraie dimension, sociologique, Jean-Michel, concernant la vie urbaine, les activités syndicales, la condition ouvrière. Évidemment, déjà, je pense que les lecteurs le constateront, ils reconnaîtront certaines lignes du paysage stéphanois, mais ils seront surpris de voir, par exemple, une femme qui vient chercher l'eau à la fontaine, de voir des gens qui circulent avec une charrette à bras, toutes des choses qui ont disparu, de voir l'emprise qu'avait le monde minier dans l'ouest stéphanois, en particulier. Tout ça, c'est des images qui vont frapper, je pense, les lecteurs. Et puis, le plan factuel, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce livre et les photographies de Ronis nous apportent beaucoup de choses pour compléter, pour éclairer des mystères qui nous étaient posés par la série de Le Ponce. Je pense simplement, mais on y reviendra, je pense à l'enterrement de Barbier sur la place de Firminy. Le Ponce a fait 3 ou 4 photographies de dos. On ne voit que la foule et les gens de dos, alors que Ronis est passé devant le cercueil et a photographié la famille d'une façon extraordinaire. Et donc, on a les visages qu'on n'avait pas chez Le Ponce. C'est vrai. Et on y reviendra justement un petit peu plus tard à cet enterrement de Barbier. Pour le moment, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Radiohead, No Surprises. Full of Vous êtes bien sur Radio Dio, dans l'émission du Grémos, l'émission de rentrée. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Monneret et de Jean-Michel Stenner, donc pour cette émission dédiée aux grèves de 48, au travers des visuels et des images de Willy Ronis. Alors, Jean-Claude Monneret, Jean-Michel Stenner, on a parlé dans la première partie de cette émission de votre démarche scientifique et historique, de la pratique artistique de Willy Ronis, de son engagement aussi. Alors, abordons maintenant le contexte de sa venue à Saint-Étienne et son reportage à proprement parler. Donc, à l'automne 48, Willy Ronis est envoyé à Saint-Étienne et vous nous apprenez dans le livre qu'il travaille pour deux organes de presse avec des lignes éditoriales opposées. D'un côté, le journal Life, qui défend le capitalisme libéral, et d'un autre côté, donc, Regard, le journal Regard, qui appuie l'action de la CGT et du Parti communiste, et qui fait écho aux luttes ouvrières. Alors, comment parvient-il à travailler simultanément pour des journaux aussi différents ? Alors, oui, il faut, on peut s'étonner, effectivement, hein, tout à fait, effectivement. Si on pense aux années 50, par exemple, on peut être un peu surpris qu'un photographe comme Willy Ronis, avec ses habitudes professionnelles qu'il portait plutôt sur des hebdomadaires ou des journaux de gauche, pouvait travailler sur Life, effectivement. Il faut préciser que Willy Ronis était quelqu'un qui était un photographe multicarte. C'était un professionnel, il s'appelait, il disait « je suis un professionnel polygraphe », un professionnel extrêmement polyvalent. Il a travaillé sur beaucoup d'institutions et beaucoup d'organes de presse. Alors, Life et Regard, c'est un peu a priori contradictoire, mais il faut penser que on est au lendemain de la guerre, les USA, si vous voulez, ont une image extrêmement positive. Et ils ont fait le débarquement en Normandie, l'armée américaine s'est trouvée en France, etc. Et donc le nazisme a été vaincu par une alliance, on connaît l'histoire. Et que donc les États-Unis avaient une image qui globalement était une image tout à fait positive au lendemain de la guerre. D'autre part, Willy Ronis lui-même avait travaillé pour, de temps en temps, parfois, pour des Américains. Il a fait un reportage sur la visite d'un personnage dont le nom m'échappe un peu. Il s'agit de Robinson, mais je ne sais plus à qui exactement on a affaire. Mais enfin, il s'est trouvé de devoir travailler avec des sujets américains, des célébrités américaines. Et donc, il avait toujours été extrêmement bien accueilli. Et il appréciait beaucoup l'espèce de convivialité, de sympathie générale avec le cadre convivial dans lequel il travaillait avec les Américains. Donc, dans les années qui suivent la guerre, je crois que même si on a des sympathies pour la gauche, et pour le Parti communiste en particulier, il y avait une sorte de système parallèle qui faisait que c'était pas absolument et immédiatement contradictoire. Sauf que il y a eu une sorte de tension qui s'est créée justement avec la guerre froide. Là, je laisserai Jean-Michel s'exprimer sur le sujet. Mais cette guerre froide, elle est entrée petit à petit dans la politique d'abord, dans les mœurs ensuite, il y a une sorte de tension réciproque, une tension mutuelle entre la droite et la gauche sur la question du plan Marshall, etc. Et ce n'est que petit à petit, insensiblement, que les choses se sont accusées d'un point de vue idéologique. Tout à fait, Jean-Claude, je te suis sur ce sujet. Bon, tu me passes la parole parce qu'effectivement, ça nous ramène à une des premières questions qu'avait posée Karine. La grève de 48, la grève des mineurs de 48, elle s'inscrit dans un plan local, un plan national et un plan international. Et juste à rappeler une chose, au moment où elle éclate, on est en pleine crise de Berlin. en pleine crise de blocus de Berlin qui a éclaté en juin 48 et qui est à son sommet en septembre-octobre 48. Donc c'est le moment où les Américains s'engagent beaucoup plus directement aux côtés des Européens de l'Ouest contre le bloc de l'Est. Donc ça, c'est important. Et en même temps, le gouvernement français, qui est un gouvernement qui, au départ, est un gouvernement tripartite avec communistes, socialistes et démocrates chrétiens, vient de tourner dans une optique plutôt anticommuniste, avec les communistes ont été exclus du gouvernement dans le courant de l'année 47, mais ça se précise beaucoup plus en 48, avec cette fois-ci l'ouverture du gouvernement à des partis de droite. Il suffit de rappeler que Paul Reynaud, qui était quand même président du Conseil en 48, et un libéral, président du Conseil, pardon, en 1940, un libéral déclaré, revient au gouvernement après le départ des communistes. Donc ça, c'est l'aspect national. Et puis l'aspect local, eh bien, alors je crois que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai un peu repris la question de la grève dans le premier chapitre. Ce qui nous a frappé, c'est que quand Ronis vient à Saint-Étienne pour les obsèques de Barbier, donc le 25 et 26 octobre, or on est frappé par le fait que c'est vraiment le tournant de la grève. C'est le tournant de la grève. La semaine qui a précédé du 18 au 25 octobre, c'est le moment où le bassin de Saint-Étienne est soumis à la pression extrême des forces de police, qui va se traduire par les affrontements de Campfort le 22 octobre 1948. Et on a frappé très fort. Jules Mock, ministre de l'Intérieur, a voulu frapper très fort. On l'a analysé, parce qu'il fallait donner l'exemple de la volonté du gouvernement d'écraser la grève. Et c'était le faire à Saint-Étienne, c'était une façon de le faire sans trop de risques, parce que c'est un petit bassin, c'est un bassin où il y avait un prétexte tout trouvé, c'est-à-dire le risque de l'envoyage des puits, et alors que un bassin facile à circonscrire en plus, parce qu'il est petit, tandis que s'en prendre aux mineurs du Nord, c'était beaucoup plus risqué. Et puis en plus, c'est un terrain où les partis socialistes avaient beaucoup de municipalités. Donc frapper très fort à Saint-Étienne pour impressionner les mineurs du Nord et les mineurs de l'Est, c'était un peu la stratégie de Mock et du gouvernement. Et Ronis arrive à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant, parce que il est un peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, Karine, il vient envoyé par Life, mais il travaille aussi pour Regard, le journal communiste, donc il est un peu dans le grand écart. Alors peut-être rajouter une chose, Jean-Claude, c'est que les Américains lui offrent aussi un confort matériel exceptionnel. Voilà. Alors oui, effectivement, je crois qu'on ne peut pas passer sous silence le fait que, d'abord, il y avait la mythologie américaine, il y avait une sorte de mythologie positive, d'un pays qui était intervenu et qui nous avait libéré du nazisme. Donc toute cette mythologie positive, comme je l'ai dit, elle va durer un certain temps. Mais aussi Life, il faut penser que la France était dans une période d'extrême pénurie, qu'il était extrêmement difficile de trouver à la fois des pellicules photo, il était très difficile d'avoir des produits chimiques, enfin tout ce qui permet de faire des tirages et de faire de la photographie sans que ça coûte trop cher, mm-hmm. en fait, hein, et sans qu'on ait à chercher indéfiniment du matériel photographique. Donc Life lui donnait des stocks importants de pellicules, lui donnait des stocks pour des produits de laboratoire, lui donnait sans doute des papiers photos pour faire des tirages, etc. Donc et puis surtout, Life lui offrait, outre le fait que c'était une immense consécration que de devenir un photographe mandaté par Life, c'était une très grande consécration pour Ronis, puisque Life était à l'époque un des tout premiers journaux, un des tout premiers magazines fondés essentiellement, non seulement sur l'image généraliste, sur toutes sortes de faits divers ou d'événements politiques, mais aussi Life offrait à certains photographes de faire un portfolio comportant des trentaines d'images, et donc c'était une sorte de piédestal photographique, c'était une sorte de consécration inouïe pour un photographe de pouvoir travailler pour Life. Alors, donc, Willy Ronis a dû être extrêmement flatté de pouvoir travailler pour Life, de ce point de vue-là. Il a été très intéressé de pouvoir travailler très librement, sans être gêné par en se disant « Ouh là là, je gâche de la pellicule, etc., pour rien du tout, etc. » Donc, il a pu faire des photos abondamment, mais aussi Life le payait très généreusement. Et donc, cette situation, pour lui, comportait un très grand avantage. Alors, nous avons parlé, après, de sa rupture avec Life, parce que, inévitablement, en plaçant les choses comme nous le faisions, sur un plan à la fois idéologique, géopolitique, nous avons compris que la situation de Willy Ronis, au fur et à mesure que les tensions de la guerre froide augmentaient, sa situation devenait très très difficile, parce que faire de la photographie pour des organes de presse communistes quand on travaille avec les Américains, comment travailler avec les Américains quand on fait des photographies pour la presse communiste française et pour Regard. Il a dû supporter des réflexions tout à fait désagréables, se trouver pris entre deux feux, entre le marteau et l'enclume. Et donc, il a opté pour sortir de ce dilemme, finalement, par le haut, en disant « Je ne peux pas, dans le contexte actuel de la presse, je ne peux pas assumer les légendes qui sont faites sur mes images. Donc je ne peux pas accepter que Life, par exemple, légende mes images de façon erronée ou de façon partiale. » Tendancielle. De façon partiale. Et donc, à ce moment-là, il a refusé un reportage. Et à partir du moment où il a refusé ce reportage, il a été rayé des cadres. Oui, et donc, il quitte Life. Voilà. Et on peut dire aussi que ce départ volontaire a été d'un très grand courage. C'est vrai. Parce que par la suite, il est retombé dans un système où il n'avait que des engagements extrêmement limités et faisait du travail à façon pour des agences, pour des organes de presse, des institutions, etc. Et on peut dire qu'il a tiré le diable par la queue. Alors, on le sait, il est à Saint-Étienne. Quand il arrive à Saint-Étienne pour son reportage, il est là pour une très courte durée, puisqu'il est là 2 jours sur place. Comment va-t-il pratiquer la photo lors de ce reportage ? Car il travaille dans l'urgence, d'une certaine manière, vu qu'il a 2 jours pour couvrir les événements. Est-ce qu'il a recours à la reconstitution de scène, ou est-ce plus dans l'immédiateté ? Alors, il travaille dans l'urgence parce qu'il a, il travaille toujours dans l'urgence de toute façon. Et comme il le dit dans l'interview, il a un mot très explicite. Il dit c'est un travail cravaché. Donc bon, il cravache et il est obligé vraiment de se débrouiller, de profiter du temps qui lui est imparti pour faire le maximum de choses et les meilleures choses possibles. Donc, il a l'habitude de se renseigner, et donc on a imaginé avec Jean-Michel que très probablement il avait dû se renseigner sur Saint-Étienne, sur ce qu'était la CGT à Saint-Étienne, où était la Bourse du Travail, ce qu'était les... À l'époque, il y avait une presse locale, il y avait beaucoup de journaux locaux, donc il y avait un journal qui s'appelait Le Patriote, qui était un journal communiste, pour lequel Le Ponce travaillait. Donc on a imaginé qu'il a eu un point de chute. Il a eu peut-être des gens qui sont venus l'attendre à la gare et qui l'ont donné les coordonnées essentielles d'abord de la ville pour pouvoir se repérer, et puis les coordonnées de ce qui pouvait se passer, de l'actualité immédiate, celle de la fin de semaine précédente, et puis ce qui allait se passer concrètement, comme par exemple le fait que un certain nombre de mineurs allaient passer en jugement. Donc là, déjà, très rapidement, avec ces personnes qui sont venues sans doute l'accueillir, il a eu déjà un programme et un programme d'activité. D'accord. Donc on reviendra juste après la pause que l'on va faire maintenant Tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Michel, vas-y. Je voulais ajouter quelque chose. Pardon. Je pense qu'effectivement, la liaison avec la CGT et le Parti communiste peut être certaine. On aurait pu, si on avait connu le reportage plus tôt, la certifier, puisqu'il y a certaines images où on voit des gens qui sont, que j'ai connus, moi, peu de temps avant leur mort, par exemple Michel Aulagnier, qui est sur le stand de la souscription à la Bourse du Travail. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont piloté, et on a des indices sur certaines photographies, Jean-Claude. Dans l'image dans la famille Vaccaro, on voit une silhouette d'une personne qui se met à l'écart. Et devant la préfecture, il y a un jeune homme qui le regarde, qui visiblement devait lui servir de guide. Donc je pense qu'il n'est pas venu complètement à l'aveugle. Et d'autre part, il avait la mission précise de Life d'aller couvrir l'enterrement de Barbier. Hein? Oui, tout à fait. Et il a étendu... Il a étendu son reportage. Son reportage sur d'autres choses. On en reparlera juste après. On va faire une petite pause. Toute petite pause. Et on va entendre précisément Willy Ronis durant cette petite proposition sonore. Le reporter Willy Ronis se rend en 1948 à Saint-Étienne, couvrir la grève des mineurs. C'est la mobilisation de la CGT et du Parti communiste contre le plan Marshall et l'intervention des États-Unis. Il est du côté des grévistes, alors que les actualités filmées de cette époque sont du côté du pouvoir. Devant l'attitude très ferme du gouvernement, attitude qui peut cependant, suivant le développement de la situation, laisser place à la conciliation, certains mineurs semblaient désireux de reprendre le travail. Le spectacle des mines abandonnées ne doit plus être dans un proche avenir qu'une triste rétrospective. C'est pour la France, et pour la France tout entière, une question de vie ou de mort. La même année, il est envoyé faire un reportage sur la mort accidentelle de deux cheminots. La photo est composée comme une Pietà. En 1951, il dénonce les conditions de vie des mineurs à Lens. Il mourait jeune, atteint de silicose. Ce mineur était en train de vivre ses derniers jours, certainement. D'ailleurs, il ne s'alimentait plus. Il fumait. Et il ne sortait plus de chez lui. Il passait sa vie assis en tailleur sur un grand fauteuil. Et j'ai appris, deux ou trois mois après, qu'il était mort. Voilà, extrait d'un reportage et d'un documentaire qui est en ligne actuellement sur la chaîne Arte et que vous pouvez voir et revoir. Ça s'appelle Willy Ronis, Les combats d'un photographe. C'est un film signé Vladimir Vazak, un film de 2019. On rappelle que Willy Ronis est décédé 10 ans auparavant à la réalisation de ce documentaire, c'est-à-dire en 2009, il y a quelques jours de cela, hein, puisque c'était le 11 septembre 2009. Et on retrouve cet extrait là où rapport Ronis et Lamine, notamment, avec cette présence à Saint-Étienne, et puis au-delà, la suite 51, il le disait, et la suite encore des questions là de santé et autres qui portaient toujours sur les conditions de mineurs et ouvrières. Un très beau documentaire que je vous recommande encore, parce que c'est à la fois le parcours de Willy Ronis et puis tout ce qu'il a couvert, en effet, que vous avez évoqué, hein, le Front Populaire, le retour des soldats de guerre pour la SNCF, document qu'il avait aussi réalisé alors, et puis tout le quartier Belleville-Ménilmontant qu'il a redécouvert et photographié énormément, ainsi que peut-être plus personnel, sa vie vauclusienne, j'allais dire reclusienne, mais reclus en effet dans le Vaucluse. Et voilà, on assiste comme ça au travers de ce documentaire, donc à tout son travail, bien entendu, pour ce grand photographe qui a traversé comme ça le XXe siècle et ses temps forts de lutte sociale. Toujours dans le Grémos avec Karine, Jean-Claude et Jean-Michel pour parler de cet ouvrage précisément qui va paraître début octobre prochain. Alors, parlons maintenant du parcours de Willy Ronis à Saint-Étienne. Donc, il arrive en gare de Château-Creux le matin du 25 octobre 1948. Vous avez essayé, grâce au corpus de documents photographiques, mais aussi de ses documents personnels, de ses carnets, de ses agendas, vous avez essayé de retracer son parcours. Donc, il arrive à Château-Creux, puis ensuite il se rend à la Bourse du Travail, où il va saisir de très belles scènes de solidarité. Peut-être que Jean-Michel, tu peux en parler. On a une belle photo enfants. Il y a une partie du livre qui explique ça, ce parcours. On a des certitudes et puis on a des hypothèses. Alors, la certitude, par exemple, comme tu le dis, Karine, pour situer le départ des enfants dans le car, qui sont représentés par trois photographies, les enfants sont dans le car devant la Bourse du Travail. On a retrouvé, parce que cette photographie nous montre que ce car est affrété par le comité d'aide aux mineurs de la Dordogne, donc on a retrouvé aux archives départementales de Périgueux, en Dordogne, un petit dossier, tout petit, hein, une cinquantaine de pages, consacré à la grève des mineurs. Alors, il y a des motions qui sont votées par les syndicalistes de Périgueux et des villes, petites villes ouvrières des alentours. Et puis, dedans, quelques feuilles qui sont consacrées à l'arrivée des enfants en Dordogne. Alors, il se trouve que dans ce document, eh bien, on a d'abord la liste des enfants. Et puis, on a un petit rapport sur le voyage et qui nous montre que le car est parti à 9h du matin, le 25 octobre. Donc, on est sûr, à partir de ce document, en croisant ces deux documents, que le premier endroit où Ronis est arrivé, c'est à la Bourse du Travail. Et c'est assez logique, puisque ça conforte l'idée qu'il a été piloté par des syndicalistes. Ensuite, il va se promener... peut-être piloté par le Pons, on n'en est pas sûr, on y met l'hypothèse, mais autour de la Bourse du Travail, pour qui connaît Saint-Étienne, on sait qu'on est très vite dans les quartiers ouvriers, donc il y a la fameuse série de la rue des Théâtres, et puis les quartiers de la rue de la Barre et de la place du Mont d'Or, où il rencontre les taudis, et puis de là, il arrive vers le quartier de Courriot et des Puy-de-Mine. Voilà, au centre névralgique du mouvement social. Voilà. L'après-midi du 25, on sait qu'il est allé, forcément, puisque c'était l'horaire, qu'on sait qu'il est allé à Firminy, et on sait qu'il prend des photos. Il y a une photo où on voit l'horloge de l'église, donc à 4h de l'après-midi, il était à Firminy. Le soir, on n'en a pas la certitude, mais probablement, il est allé dans les... logement ouvrier, où il a pris plusieurs photographies tout à fait intéressantes. Le lendemain matin, là encore, on a l'horaire obligatoire, l'ouverture de la séance du tribunal le 26, c'est à partir de 9h du matin. Donc il est probablement entre 9h et 11h du matin au tribunal. Et puis il va, comme le tribunal n'est pas très loin de Courriot, donc il retourne à Courriot. Mmh. Là, on sait qu'il y est allé au moins deux ou trois fois à Courriot. Et là, on peut situer, après les photographies avec les ombres, on peut situer qu'il est arrivé vers 11h midi du matin. Jean-Claude, tu peux... Oui, alors donc, il a, disons, un emploi du temps balisé, parce que il est mandaté, aussi bien par Regard que par Life. En fait, Regard s'est greffé sur le contrat que Ronis avait avec Life, bien sûr, puisque il a pu avoir une nuit d'hôtel, etc. Il était défrayé, donc c'était pratique pour Regard. Bien sûr que l'objectif était un objectif tout à fait institutionnel par rapport à ces deux entreprises de presse. Il fallait montrer les événements, le conflit, etc. Mais ce qui est notable dans les photos que va faire Willy Ronis, il y a beaucoup de photos qui échappent à ce type d'engagement, parce que Ronis, lorsqu'il est sur en reportage, essaye d'utiliser l'hyper grand angle. Il essaye de s'intéresser à tout. C'est une sorte d'enquête absolument générale. Et il faut penser que, d'une part, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup à développer son stock d'images. Il arrive à Saint-Étienne pour la première fois et donc il va faire des images sur la place Hôtel de Ville, par exemple. Il va faire des images sur rue de la Monta, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Rue de la Monta. Il va photographier, par exemple, la place des Ursules. Alors on pourrait se demander quelle est la pertinence. Eh bien, tout simplement, c'est tout simplement que ces images. Ce sont des images de Saint-Étienne qui figureront dans un dossier Saint-Étienne que par la suite il pourra négocier en tant que photographe ayant des archives photographiques négociables. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il va au-dessus des Ursules, rue Henri Gonnard et la place Sainte-Barbe, il va faire des photographies qui n'impliquent pas obligatoirement un regard, disons, sociologique ou politique très engagé. C'est-à-dire que il prend la température du quartier, il voit des personnes qui se promènent. Sociologiquement, bien sûr, ça l'intéresse. Il y a une frontière sociologique entre le côté avenue de la Libération, non, pardon, avenue Victor Hugo, cours Victor Hugo et Saint-Edmond, de l'autre côté, hein, bien sûr, mais il va faire ses photographies, donc pour avoir, il va faire ses, oui, il fait des photographies, donc typiques de Saint-Étienne, mais il fait aussi des photographies sur la vie quotidienne, voilà ce que je voulais dire. La vie quotidienne, une sorte de vie humble, telle qu'elle se développe tous les jours, la vie la plus humble de cette agglomération, parce que ce sont des images qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est de voir les gens simples, les humbles, et leur vie. Aussi, il va photographier l'intérieur des et la vie quotidienne des mineurs dans leur intérieur. Oui. Et ça, c'est des photos qui sont très... Il y a une série de photos qui sont tout à fait intéressantes, parce que il est entré dans les intérieurs de mineurs. Et volontairement ou involontairement, je pense que il apporte une pierre à la question des taudis dans l'après-guerre. Et aussi, il montre ce que c'est que le quotidien, l'intérieur d'une famille de mineurs, où on voit, par exemple, un père qui a deux enfants sur les genoux, qui est assis à une table, et une mère qui est derrière avec le lit du bébé dans la cuisine, qui est en train de coucher le bébé. On voit que le logement est effectivement extrêmement précaire dans cette période de l'après-guerre. Et qui souvent se résume à une pièce. On a une pièce. Il y a une pièce. On tombe peut-être dans l'actualité là, à une pièce chauffée. Il y a sans doute une autre pièce, mais il y a une pièce chauffée où on passe l'essentiel de la journée. Alors, dans une de ces photos, enfin deux de ces photos, il y a un autre exemple de liaison entre le travail que fait Jean-Claude et le travail que je fais en tant qu'historien, puisque grâce au carnet de Loronis, on sait les noms des personnes qu'il a photographiées. Et avec enquête sur les listes électorales, sur les recensements, j'ai pu retrouver les croisements avec l'adresse. J'ai pu retrouver les noms et les endroits précis où habitaient ces personnes. Alors évidemment, on arrive un peu tard, hein. On arrive en 2018-2019, mais on a retrouvé une des personnes qui était sur ces clichés et qu'on a rencontré et qui nous a décrit, qui nous a permis de mettre des noms sur les personnes qui sont autour de la table. Donc une famille d'Italiens, de Siciliens, qui étaient tous mineurs, tous sinon engagé du moins proche du Parti communiste, et donc ce qui nous conforte dans l'idée qu'il y a quand même le réseau qui intervient dans le choix des personnes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. J'ajoute, par rapport à tout ce qu'a dit Jean-Claude tout au début, c'est que la confrontation des carnets, donc on a relu tous les carnets parce qu'il avait des agendas, il notait depuis 1932, si je ne me trompe pas, et on est sûr que quand il vient à Saint-Étienne en 1948, c'est la première fois qu'il arrive dans une région minière. En 1951, comme le disait le reportage tout à l'heure, il va dans le nord, mais le premier contact qu'il a avec le monde minier, c'est à Saint-Étienne qu'il l'a, et c'est en 1948. Et alors justement, ces photographies nous ont beaucoup intéressés parce que les sociétés minières, les compagnies minières avaient leur propre production de photographies, c'est-à-dire qu'elles avaient une démarche publicitaire par rapport à leurs entreprises. Alors, il y a une part du livre qui est une confrontation entre un grand photographe de l'époque qui s'appelle Collard et qui avait fait le tour de tous les métiers de l'époque, mais de façon un peu idéalisée. On a analysé aussi la production photographique des entreprises minières, elle aussi assez idéalisée, pour mettre en évidence la volonté de Willy Ronis de montrer les choses telles qu'elles sont, sans mise en scène. Il fait de la mise en scène parfois, mais ici, il a dû dire aux participants de cette scène, ne bougez pas, je vous prends comme ça. Alors pour en revenir rapidement aux funérailles d'Antonin Barbier à Firminy, il n'est pas seul, donc journaliste évidemment sur les lieux, il y a également Léon Leponce. Alors pour faire un petit parallèle avec votre précédent ouvrage, Léon Leponce qui est photojournaliste pour Le Patriote, couvre aussi donc les funérailles, on vient de le dire, il est présent et il photographie lui aussi la cérémonie. Et il saisit même Willy Ronis en train de travailler. Alors, ces deux photographes, ces deux reporters, ont-ils la même démarche, les mêmes objectifs ? Eh bien, c'est un des points qu'on développe. Voilà. Leponce a une attitude, une position très statique. Hein, il photographie le cortège en se mettant sur un balcon et il fait 4 ou 5 photographies. Alors que Ronis part pratiquement avec le début du cortège, on le voit se promener à l'intérieur du cortège, faire des photos en plongée, contre-plongée des participants. Il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, devant le catafalque pour nous montrer. Alors ça nous permet d'identifier plein de personnes, donc des responsables politiques. Il y a là Marius Patineau, il y a là plusieurs élus de la Loire, Claudius Buard, et puis la famille que l'on a pu aussi identifier parce que on avait rencontré la fille d'Antonin Barbier, avec laquelle nous sommes toujours en contact, qui nous a aidé à identifier toutes les personnes de la famille qui sont photographiées par Willy Ronis. Oui, c'est très précieux. Effectivement. Pour une dernière question, il nous reste une minute. Donc, après le reportage au tribunal, donc on en a parlé tout à l'heure, il sera au tribunal, il va aussi retourner à Courriau et c'est là qu'il va réaliser le cliché qu'on voit sur la couverture de votre livre, qui est un très beau cliché. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette image, et parce qu'elle a une vraie dimension symbolique. Oui, alors Willy Ronis était très attentif justement au pouvoir symbolique des objets qu'il était appelé à photographier. Et ce qui l'intéressait, c'était de voir, d'instaurer une sorte de dialectique entre différents objets présents, qui seraient présents dans l'image, avec des effets d'opposition, des effets complémentaires, etc., tout en structurant plastiquement, formellement, tous ces éléments qu'il va faire entrer dans le cadre. Eh bien là, par exemple, on a le puits de Courriau. On a une petite rue qui descend sur la gare du Clapier. On a un muret. On a un jeune homme qui est sur la gauche. Alors, c'est une photo qui est très classique du point de vue de la photographie parce que c'est un montage, si vous voulez, qui est au tiers. Et donc, c'est un montage très élégant. Le jeune garçon qui se trouve à côté de ces pierres, qui virtuellement sont des moyens de défense par rapport à une arrivée éventuelle de CRS, caractérise le conflit et l'urgence de la situation, mais Willy Ronis a eu soin de placer le puits de Courriau au tiers gauche, alors que l'enfant est au tiers droit, et puis deux mineurs qui arrivent et qui sont eux aussi, grosso modo, au tiers. Pourquoi est-ce que l'enfant se retourne ? Ben, il se retourne parce qu'il valait mieux que cet enfant ne soit pas identifiable. Tout à fait. Jean-Michel Stenner, Jean-Claude Monneret, merci beaucoup. Merci. Grande puissance de la composition. Et juste pour terminer, on rappelle que cet ouvrage va paraître le 4 octobre prochain aux presses universitaires de Saint-Étienne. Vous allez assurer une rencontre dans le cadre des rencontres littéraires proposées par la librairie L'une et l'autre, qui fête d'ailleurs ses 15 ans. On leur souhaite un très bon anniversaire. Ce sera le 22 septembre prochain, le jeudi 22 septembre prochain, à partir de 19h au cinéma Méliès Jean Jaurès. Donc pour présenter cet ouvrage, Willy Ronis en reportage à Saint-Étienne, une enquête au cœur de la grève de 48. Simplement, j'imagine qu'on aura ce plaisir de voir ces photographies sur grand écran projetées. Tout à fait. Alors, impatience de pouvoir découvrir cela en grand format. Mais on ne projettera pas tout. Il faudra acheter le livre. Quelques pièces tout de même. Et impatience surtout de parcourir cet ouvrage. On rappelle simplement en termes d'agenda, très très vite, de parler les partenaires aussi, l'Institut du Travail de Saint-Étienne, l'Association de Philosophie aussitôt dit. Une prochaine rencontre de l'Hôtel de Ville, ça se passera à la médiathèque de Tarentaise à Saint-Étienne. Ce sera lundi 19 septembre. Le management du nazisme à aujourd'hui, avec Johan Chapoutot, qui est historien spécialiste de l'histoire allemande et du nazisme, et qui vient de publier un ouvrage sur le nazisme et sa contribution à la fondation du management moderne. Voilà, ça c'est pour les tout prochains rendez-vous. Le prochain rendez-vous radiophonique, ce sera le jeudi 20 octobre prochain pour la deuxième émission du Grémoz, qui portera sur la Biennale Trace. Nous allons présenter cette biennale qui concerne bien entendu l'histoire, la mémoire des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les départements vont être mobilisés. C'est plus de 200 manifestations, 200 acteurs et propositions qui vont avoir lieu du 15 octobre au 10 décembre prochain. Rendez-vous donc le mois prochain sur le 895 de Dio. Rediffusion de cette émission, on vous le rappelle, ce soir 19h, demain matin 8h, avant la mise en podcast sur le site dédié. Ça sera la toute dernière info. On vous renvoie bien sûr sur les www.gremos.fr en vous souhaitant une très belle fin de journée, voire de semaine. À très bientôt. Ciao, bye. Merci.